Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 22 juillet 1916. Étrange coutume judiciaire. Le condamné est égorgé par le bourreau dans sa cellule, la présence d'autres personnes étant interdite. Il est assis à la table et termine sa lettre ou son dernier repas. On frappe, c'est le bourreau. « As-tu fini ?» demande-t-il. Ces questions et les instructions qu'il donne lui sont prescrites selon leur ordre et leur contenu. Il ne peut pas s'en écarter. Le condamné, qui d'abord a bondi de sa place, se rassied et regarde fixement devant lui, à moins qu'il ne cache son visage dans ses mains. Comme le bourreau ne reçoit pas de réponse, il ouvre sa caisse d'instruments posée sur le lit de camp, choisit les poignards et tente d'améliorer encore ça et là leurs multiples tranchants. Il fait déjà très sombre. Il installe une petite lanterne portative et l'allume. Le condamné tourne la tête vers le bourreau à la dérobée, mais quand il remarque ce que celui-ci est en train de faire, il détourne la tête et ne veut plus rien voir. « Je suis prêt », dit le bourreau au bout d'un moment. « Prêt ?» interroge le condamné dans un cri. Il bondit et se décide maintenant à regarder le bourreau en face. « Tu ne me tueras pas. Tu ne m'étendras pas sur le lit de camp pour m'égorger. Car tu es un homme malgré tout. Tu es capable d'exécuter quelqu'un sur l'échafaud, avec des aides et en présence de magistrats, mais pas ici, pas dans cette cellule, en homme tuant un autre homme. » Et comme le bourreau, penché sur la caisse, garde le silence, le condamné ajoute d'un ton plus calme, « C'est impossible. » Et comme le bourreau reste muet, même maintenant, le condamné dit encore, « C'est justement parce que c'est impossible que cette étrange coutume judiciaire a été instituée. On voulait préserver les formes, mais la peine de mort ne devait plus s'accomplir. Tu vas me conduire dans une autre prison où je resterai sans doute encore longtemps, mais je ne serai pas exécuté. » Le bourreau détacha un nouveau poignard enfermé dans sa gaine de ouate et dit « Tu songes sans doute à ces contes de fées dans lesquels un serviteur recevait l'ordre d'exposer un enfant mais ne parvenait pas à accomplir l'ordre et préférait mettre l'enfant en apprentissage chez un cordonnier ?» C'était un conte de fées. Mais ici, ce n'en est pas un.